C'est en partant l'argent que l'école classe les rangs, que l'élite s'en va en guerre du moins cher au plus cher. C'est important l'argent pour faire face à la misère quand les gens ont la terre. C'est pourtant bien l'argent quand ça paye le logement, mais y'a que qui savent t'en faire à coups de pelle et de ciment. Les feuilles caduques et de notaire en empruntant sur la carrière. C'est en partie de l'argent que les mots les plus chiants peuvent devenir blanches colombes sous un ciel de mille ans. Qui se répartit l'argent sur des divans ou sous des bombes. Tombe.